Chapitre 9e. Monsieur Rushworth était au bas du perron pour recevoir la dame de ses pensées, et toute la société fut accueillie par lui avec la politesse convenable. Dans le salon, Madame Rushworth usa de la même civilité, et Miss Bertram fut l'objet de toutes les distinctions qu'elle pouvait désirer. Après les premières salutations, la compagnie s'assit à une table servie avec autant d'élégance que de profusion pour se remettre des fatigues de la route. On parla beaucoup, on fit honneur à la collation, et tout alla le mieux du monde. Il fut ensuite question de s'occuper du principal objet du voyage, et M. Crawford fut consulté sur la manière qu'il jugeait préférable pour examiner le terrain. M. Rushworth proposa son carricle, mais M. Crawford témoigna le désir que l'on se servît d'une voiture où l'on pût être plus de deux personnes, parce que ce serait se priver du coup d'œil et du jugement des autres personnes de la société. Mme Rushworth proposa sa chaise de poste, mais les jeunes gens gardèrent le silence et parurent peu disposés à regarder cette offre comme un amendement. La proposition de visiter le château fut mieux accueillie. Miss Bertram était bien aise d'en déployer toute l'opulence, et chacun désirait faire quelque chose. Tout le monde se leva, et Mme Rushworth, ouvrant la marche, on parcourut une quantité considérable de chambres toutes grandes, somptueuses, meublées dans un goût qui datait d'une cinquantaine d'années. Des damas, de la dorure, de l'acajou massif, toutes choses qui, dans leur genre, avaient de la noblesse. Il y avait une grande quantité de tableaux, mais la plus grande partie était des tableaux de famille. La situation du château mettait obstacle à toute perspective, et pendant que le reste de la société entourait Mme Rushworth, Henry Crawford secouait la tête d'un air grave en regardant par les fenêtres. « Maintenant, dit Mme Rushworth, nous allons voir la chapelle. » On y entra. L'imagination de Fanny l'avait disposée à voir tout autre chose qu'une longue chambre où l'acajou était prodigué, avec une galerie pour la famille et quelques coussins de velours cramoisi. « Je m'étais trompé, dit-elle à voix basse à Edmund. Ce n'est pas là l'idée que je m'étais formé d'une chapelle. Il n'y a là rien d'auguste, rien de mélancolique, rien de grand. Je ne vois aucune voûte, aucune inscription, aucune de ces bannières que le vent du soir agite. Je ne vois aucun de ces signes pour indiquer qu'un monarque écossais sommeille ici-dessous. Vous oubliez, Fanny, que ce château n'est qu'une construction des temps modernes, et qu'il n'a été destiné qu'à des personnages peu importants. Il ne faut pas comparer ceci avec les chapelles des châteaux de princes et des monastères. J'ai tort de ne pas faire cette réflexion, mais je suis trompé dans mon attente. » Madame Rushworth commença l'historique de la chapelle. « Autrefois, dit-elle, on y récitait les prières soir et matin. Le chapelain était chargé de cet office. Mais le défunt M. Rushworth avait négligé de faire suivre cet usage. « Chaque génération s'améliore, » dit Miss Crawford en regardant Edmund avec un sourire. Madame Rushworth alla répéter sa relation à M. Crawford. Edmund, Miss Crawford et Fanny restèrent ensemble à part. « C'est dommage, » dit Fanny, « que cette coutume ait été abandonnée. C'était un excellent usage des anciens temps. Il y a quelque chose dans une chapelle et un chapelain qui s'accordent si bien avec une grande maison, avec l'idée de ce qu'une telle maison doit être. » Il est beau de voir toute une famille se réunir régulièrement pour prier. « Oui, en vérité, cela est très beau, » dit Miss Crawford en riant. « Cela doit faire grand bien aux chefs d'une maison que de forcer tous leurs domestiques d'abandonner leurs besognes et leurs plaisirs pour réciter des prières deux fois par jour, tandis qu'eux-mêmes inventent des prétextes pour s'en exempter. » « Ce n'est pas là l'idée de Fanny, » dit Edmund. « Si le maître et la maîtresse de la maison n'assistent pas eux-mêmes à la prière, l'usage dont nous parlons nuit plus qu'il ne sert. Il vaut mieux, dans tous les cas, répondit Miss Crawford, laisser la liberté aux gens sur ce sujet. Chacun aime à choisir son chemin et sa manière de dévotion. L'obligation, la formalité, la contrainte, la longueur du temps sont des choses que chacun redoute. Et si les beaux gens qui sont nus s'agenouiller et s'ennuyer dans cette galerie avaient prévu que le temps serait arrivé où leurs successeurs, au lieu d'avoir des maux de tête pour s'être relevés de trop bonne heure, resteraient dans leur lit sans crainte d'être blâmés de manquer aux devoirs de la chapelle, ils en auraient éprouvé un sentiment d'envie. Imaginez-vous combien de fois les belles de la maison de Rushworth sont venues à contre-cœur passer leur moment dans ce lieu-ci. La jeune Eleanor et Madame Bridgetts, plongées en apparence dans la piété, mais la tête occupée de toute autre chose, surtout si le pauvre chapelain n'était pas digne d'être regardé. Car dans ces temps-là, je présume que les ecclésiastiques étaient même inférieurs à ce qu'ils sont maintenant. » Pendant quelques instants, Miss Crawford n'obtint aucune réponse. Fanny rougissait et regardait Edmund. Elle était trop indignée pour pouvoir parler. et Edmund eut besoin d'un moment de réflexion avant de pouvoir répondre à Miss Crawford. « La vivacité de votre esprit s'oppose à ce que vous parliez sérieusement d'objets sérieux. » Il ajouta quelques autres observations auxquelles Miss Crawford répondit avec sa légèreté accoutumée. Pendant que cela avait lieu, le reste de la société était épars dans la chapelle. Julia attira l'attention de M. Crawford sur sa sœur en lui disant « Regardez donc Maria et M. Rushworth placés l'un près de l'autre, exactement comme pour la célébration de la cérémonie. » M. Crawford sourit de sa remarque et s'approchant de Maria, il lui dit à voix basse et de manière à n'être entendu de personne « Je n'aime pas voir Miss Maria si près de l'autel. » Maria fit involontairement deux pas en arrière, mais se remettant aussitôt, elle affecta de rire et lui demanda, sans parler plus haut, s'il les laisserait. « Je crains de n'avoir point assez d'adresse, » répondit Crawford avec un regard significatif. Julia, qui survint au même moment, continua sa plaisanterie. « C'est véritablement dommage que la cérémonie ne puisse avoir lieu. Nous voilà tous réunis, et rien dans le monde ne serait plus agréable. » Et en disant cela, elle rit avec si peu de précaution qu'elle attira l'attention de M. Rushworth et de sa mère sur ce qu'elle disait, exposant ainsi sa sœur aux galanteries de son amant, dit à demi-voix, tandis que Mme Rushworth parla avec grâce et dignité de cet événement futur qu'elle regarderait, disait-elle, comme très heureux. « Ah, si Edmund avait pris les ordres !» s'écria Julia. Et allant vers lui, comme il était avec Miss Crawford et Fanny, « Mon cher Edmund, si vous aviez déjà pris les ordres ecclésiastiques, vous pourriez faire la cérémonie à l'instant. Quel dommage que vous n'ayez pas pris les ordres. M. Rushworth et Maria sont tout prêts. » La physionomie de Miss Crawford, pendant que Julia parlait, aurait pu amuser un observateur désintéressé. Elle paraissait presque effrayée de la nouvelle idée qu'elle recevait. Fanny en eut pitié. « Combien elle va être fâchée de ce qu'elle vient de dire ?» pensa Fanny. « Les ordres ?» dit Miss Crawford. « Quoi ? Devez-vous appartenir au clergé ?»« Oui, » répondit Edmund. « Je prendrai les ordres après le retour de mon père, probablement à Noël. » Miss Crawford, cherchant à reprendre ses esprits, dit « Si j'avais su cela plus tôt, j'aurais parlé du clergé avec plus de respect. » et changea de sujet de conversation. On quitta la chapelle. Miss Bertram, fâchée contre sa sœur, ouvrait la marche, et toute la compagnie paraissait trouver qu'on avait resté assez longtemps dans ce lieu. Madame Rushworth, qui ne se lassait point de montrer ses appartements, prenait la route du grand escalier pour conduire la société dans les chambres supérieures. Mais son fils lui fit observer que si on restait trop longtemps de la maison, on n'aurait pas le temps de voir le terrain. « Il est 2 heures, dit-il, et nous devons dîner à 5. » Madame Rushworth se soumit, et l'on parla de nouveau d'arranger une voiture, quand les jeunes personnes de la troupe, apercevant une porte ouverte qui conduisait immédiatement à un tapis de verdure entouré d'arbrisseaux, prirent en même temps cette route, ayant toutes un même désir de respirer l'air et d'agir en liberté. « Je suppose, » dit Madame Rushworth poliment, en les suivant, « que nous commençons par là notre promenade. Ce sont là nos arbrisseaux les plus précieux, et nos faisans sont à côté. » « Je crois, » dit M. Crawford en regardant autour de lui, « que nous trouverons quelque chose à faire ici. » Je vois des murs qui, s'ils étaient abattus, produiraient un grand effet. Monsieur Rushworth, tiendrons-nous conseil sur cet objet ? James, dit Madame Rushworth à son fils, je crois que le désert sera nouveau pour toute la société. Les demoiselles Bertram n'ont jamais vu le désert ? On ne fit aucune objection, mais pendant quelques moments, aucun plan ne parut devoir être adopté. Les arbrisseaux et les faisans occupèrent d'abord l'attention des promeneurs, et tous se dispersèrent ensuite dans une heureuse indépendance. M. Crawford fut le premier à marcher en avant pour examiner le terrain. Il fut suivi par Miss Bertram et M. Rushworth. Edmund, Miss Crawford et Fanny venaient ensuite, et la marche était fermée par Mme Rushworth, Mme Norris et Julia. L'heureuse étoile de celle-ci avait changé. Elle était obligée de rester auprès de Mme Rushworth, de contenir son impatience et de se conformer à la lenteur de sa marche, tandis que Mme Norris était restée en conversation avec l'intendant, qui était venu visiter les faisans. « Il fait extrêmement chaud, » dit Miss Crawford, qui pour la seconde fois parcourut avec Edmund et Fanny une terrasse garnie de palissades de fer qui dominait sur le désert. Tandis que M. Crawford, avec Miss Maria et M. Rushworth, discutait sur les embellissements à faire dans cette partie. La porte qui s'ouvrait sur le désert laissait apercevoir de l'ombrage. Miss Crawford, suivie d'Edmund et de Fanny, se dirigea avec empressement de ce côté. Et tous trois, en se promenant sous des arbres fort beaux et fort touffus, se bornèrent pendant quelques moments à jouir de la fraîcheur qu'ils y trouvaient et à les admirer. À la fin, Miss Crawford commença la conversation. « Ainsi, Monsieur Bertram, vous devez entrer dans le clergé. Cela m'étonne. »« Pourquoi cela ?»« Je dois prendre une profession quelconque. Et vous pourriez peut-être juger que je ne suis propre à être ni un homme de loi, ni un militaire, ni un marin. »« Mais pourquoi entrez-vous dans le clergé ? Les hommes aiment à se distinguer. Ils peuvent y parvenir dans beaucoup de professions. Dans le clergé, il n'y a point de distinction à obtenir. Un ecclésiastique n'est rien. » Ce rien a ses gradations, à ce que j'imagine. Un ecclésiastique ne peut jouir d'une grande considération parmi ce qu'on nomme les gens à la mode. Il ne peut être le chef d'un parti, ni donner le ton pour un habit nouveau. Mais je ne puis regarder comme n'étant rien une situation qui a pour objet de veiller sur ce qu'il y a de plus important parmi les hommes pris individuellement ou collectivement, la religion et les mœurs. Cette situation mérite d'autant moins d'être dépréciée qu'elle a une influence considérable sur les mœurs publiques. Et je crois que partout où le clergé est, on n'est pas ce qu'il doit être. Il en est ainsi du reste de la nation. Certainement, dit Fanny avec un aimable empressement. Ah, dit Miss Crawford, vous avez déjà convaincu Miss Price. Je désirais pouvoir aussi convaincre Miss Crawford. Je ne crois pas que vous y réussissiez, répondit Miss Crawford avec un sourire malin. Je suis tout à fait surprise que vous preniez cette carrière. Vous êtes réellement propre à quelque chose de mieux. « Allons, changez d'idée, il n'est pas trop tard. Entrez dans le barreau. »« Entrez dans le barreau. Vous me dites cela avec autant d'aisance que si vous me disiez « entrez dans ce désert. »« Vous allez dire que le barreau est le pire désert des deux, mais je vous ai prévenu. »« Rappelez-vous que je vous ai prévenu. »« Ne vous pressez pas pour m'enlever un bon mot, car je n'ai pas la moindre prétention à l'esprit. »« Je suis capable de rester une demi-heure à comprendre une répartie. » Un silence général suivit cette dernière réponse. Fanny l'interrompit la première pour se plaindre d'être fatiguée. Il se trouvait alors auprès d'un banc bien ombragé, situé auprès d'un haha qui s'ouvrait sur le parc, et ils s'y assirent. « Je serai bientôt reposé, » dit Fanny. « C'est un excellent rafraîchissement que de s'asseoir à l'ombre par un beau jour en regardant la verdure. » Après être restée assise pendant un moment, Miss Crawford se leva. « Il faut que je prenne du mouvement, » dit-elle. « Le repos me fatigue. » Je regardais si longtemps par ce « ah » que j'en suis lassé. Edmond se lassa pareillement et fit quelques pas avec Miss Crawford. Ils discutèrent sur l'étendue de la promenade qu'ils venaient de parcourir, et pour mieux la connaître, ils se déterminèrent à s'y promener dans un autre sens. Fanny dit qu'elle était reposée, mais Edmond la pressa si instamment de ne pas se fatiguer qu'elle resta assise où elle était, pensant avec plaisir aux attentions de son cousin et regrettant de n'avoir pas plus de force. Elle regarda Edmond et Miss Crawford jusqu'à ce qu'ils eussent disparu au coin d'une allée et prêta l'oreille au son de leur voix jusqu'à ce qu'elle n'entendît plus rien.